La Corée a nouvellement découvert les tombeaux royaux de l'époque de Goryeo. Au cours de l'enquête et de la fouille des vestiges historiques au district de Kaesong, capitale de Goryeo, on a découvert deux tombeaux alignés vers l'ouest et l'est à distance de 250 mètres. Ces tombeaux se trouvent sur le versant sud du pic Mae, éloigné de 4 km au nord-est du chef-lieu de la commune de Haesun de la ville de Kaesong, où il y a le tombeau du roi Wanggeon, fondateur de Goryeo. Une grande partie de ces deux tombeaux était presque détruite il y a déjà longtemps par l'exhumation illicite des harisseurs japonais. Dans les pièces des tombeaux, on a trouvé les vestiges comme des points de flèches et plaques de décoration en or et en bronze, des objets de décoration en argent, ainsi que les morceaux de divers latons. Selon les données de découvertes archéologiques et archives, l'histoire de Goryeo, on a prouvé que les tombeaux numéro 1 et numéro 2 de la commune de Haesun nouvellement découverts sont le tombeau Suk du 9e roi Tokjong et le tombeau Ju du 10e roi Chongjong.